bate, bate, bate. Bagaila, bate, bate, bate. Tout la vie change. Jodi jou fò pran prekosyon. Ki sa ki rete pou manje? Bèf pate an fas, pi yo ran li antropofaj. Kapwit pou tremblan teme, ki sa nou ka trouve an pa wò. Bagaila, bande, bande, bande. Bande, bande, bande. Bagaila, bande, bande, bande. Bande, bande, bande. Bagaila, bande, bande, bande. Bagaila, bande, bande, bande. Depi nan ni nan nan, la nati kampa nou. Nom comprend Iberive va passer non bouillon manger là c'est nous qui cavaler tout sorti et bien voilà notre état actuellement voilà notre état bagaille là pas de bande bande bande bande bande bagaille là pas de bande bande c'est dur c'est dur bagaille là pas de bande bande Bagaila, bande, bande, bande. A zon peyi nou o, soleil fòk o chanje koule. E sanjou fòk nou, avalize pou sandwich lò mori. Sonje la kay nou, pa ni michwi, pa ni trompaj. Je planifikasyon total. Bagaila, bande, bande, bande. Bande, bande, bande. Bagaila, bande, bande, bande. Il paraît que le bœuf il est pas bon là, je veux dire. Bagaila, bande, bande, bande. On m'a dit que la cabrite a pris la tremblade aussi. Hein. Bagaila, bande, bande, bande. Ah, je te raconte pas là. Hein. Bande, bande, bande. Bagaila, bande, bande, bande.